Chapitre 14e. Une femme est entrée dans ma vie. Deux étages plus bas, le valet de pied remit Paulin Broquet au domestique au visage en tête d'aigle, l'indo-canadien, qui l'autre soir faisait fonction de maître d'hôtel et qui maintenant, chaîne d'argent au cou, était huissier et devant annoncer l'étrange visiteur. Dans un petit salon délicieusement meublé et plein de bibelots rares, de statuettes, de tableaux, d'objets d'art, dans un décor du goût le plus sûr, le plus exquis, Miss Eden se trouvait à demi étendue sur un large et grand sofa. Paulin Broquet s'avança, s'inclina devant elle, et se tint ainsi en ce moment vraiment confus et fortement embarrassé, car il sentait le ridicule de la situation. Comme jamais une femme, voire la meilleure, ne cesse d'être une femme, c'est-à-dire cruelle, Miss Eden le laissa ainsi quelques secondes, jouissant de son triomphe, et jouant en vraie chatte avec cet homme prié d'effet, gêné et profondément malheureux. Enfin, d'un mouvement bref, elle lui tendit la main et lui dit à l'américaine un brusque effort « Good night !» Puis elle lui désigna un fauteuil en face de son sofa. Et de nouveau, gardant le silence, elle examina de son regard brillant Paulin Broquet, qui était loin encore de se sentir à l'aise. Le policier cherchait un mot d'excuse, une explication quelconque, une raison à donner, pour justifier enfin sa présence dans cette maison à pareille heure et dans de telles conditions. Il ne trouvait rien. Miss Eden, avec cette brusquerie qui lui plaisait parfois d'affecter, lui dit « Vous êtes donc un maniaque. Une leçon ne vous suffit pas. Vous recommencez. Vous tenez absolument à pénétrer chez moi, malgré moi. Je vous demande infiniment pardon. C'est de la folie. C'est bien du Paulin Broquet. Le plaisir de risquer sa vie. Je vous ai cependant, loyalement et sévèrement peut-être, la première fois, montré, prouvé que ma maison était bien gardée, qu'on ne pouvait y entrer que quand je le voulais bien. Ça ne vous suffit pas. Vous revoilà. Vous revenez par le chemin des hirondelles, au risque de tomber dans un piège d'où je n'aurais pu vous tirer qu'après grand dommage pour vous. C'est vrai. Vous pensiez peut-être que dans ma maison, ayant suffisamment protégé le bas, je devais avoir négligé le haut, je l'avoue. Détrompez-vous. Ma maison est bien défendue, du haut en bas. » Après un court silence, elle reprit. « Enfin, monsieur, pourquoi venez-vous ainsi chez moi? Qui cherchez-vous? Qu'espérez-vous y découvrir ?» La question embarrassa fort Paulin Broquet, qui ne sut vraiment que répondre. Miss Eden, fort heureusement, le tira de sa gêne en reprenant aussitôt. « Comptez-vous trouver chez moi un atelier de fausse monnaie, de faux billets de banque? Vous imaginez-vous que, parce que ma maison est ainsi protégée contre les curieux, il s'y passe des choses épouvantables? Qu'elle est comme une nouvelle tour de Nesle? Non, madame. Alors pourquoi ne pas vous dire que si je me garde de cette façon, c'est que j'ai des raisons sérieuses et graves de le faire? C'est ce qu'il faut. Il faut que je le fasse. Et pourquoi vous, serviteur de la justice, agissez-vous avec moi comme ceux contre qui je me défends? Madame, répondit enfin Paulin Broquet, vous venez de prononcer le mot qui est la seule excuse, la seule justification de ma présence chez vous. Je suis le serviteur de la justice. Et vous me prenez pour une criminelle que vous devez poursuivre? Criminelle, non, madame. Mais il n'est pas que les criminels que mon devoir m'oblige à connaître. Les douteux aussi, flatteurs pour moi. Ce mot ne rend pas ma pensée sincère et ne peut s'appliquer à vous. Remplaçons-le par un autre, les mystérieux. Je préfère. Eh bien, qu'ai-je donc de si mystérieux qui mérite votre poursuite incessante? Je suis le soir au cirque, des milliers de personnes me voient, dans le monde entier on me connaît, où est le mystère? Mon nom n'a été mêlé à aucun drame, à aucun scandale. Ma vie se passe entre le cirque et ma maison. En ai-je le droit? On ne me connaît pas de mari. Je n'ai pas d'amant. Est-ce aller contre la loi? Non, madame. Dans le rayonnement des lumières, sous l'illusion du cirque, les enthousiastes me proclament la plus belle femme de l'univers. Je n'ose vous dire qu'ils ont raison. N'osez pas. Mais cela m'attire des soupirants, des amoureux, des fous, contre lesquels il faut que je me garantisse. Qui vous dit que ce n'est pas contre eux que toutes ces précautions sont prises? Ne vaut-il pas mieux me protéger d'abord que me défendre quand il pourrait être trop tard? Assurément, madame, fit Paulin Broquet en souriant. Mais je veux être franc avec vous. Et je dois vous déclarer que tout cet appareil de défense très perfectionné me semble bien formidable, trop, pour repousser des attaques d'amoureux, dont vous viendriez si facilement à bout, même en cas de surprise. Miss Eden se mit à sourire à ces mots. Un éclair malicieux brilla dans ses yeux. il y a autre chose, reprit Paula Broquet. Il y a tout autre chose dans votre vie qu'une question d'amour. Qu'en savez-vous ? À côté de Miss Eden, la radieuse étoile du cirque, celle que la foule connaît, adore, celle que l'univers acclame, il y a une femme dont l'existence est un problème. Cela ne vous regarde pas. Pardon, cette femme est entrée dans ma vie, elle y est entrée malgré moi. Devez-vous vous en plaindre ? Cette femme a sauvé mes jours. Je lui garde une reconnaissance éternelle. Elle en sera heureuse, certainement. Mais cette femme, à qui je dois la vie, se jette en travers de mes projets, fait échouer mes plans et m'arrache la victoire. Miss Eden l'interrompit vivement. Pour me dire cela à moi, vous croyez donc que je suis cette femme ? C'est ma conviction. Si vous vous trompiez, cette femme a écarté de moi la mort qui m'attendait dans le grenier de Zulma, mais elle m'a volé le cadavre de Zygomar. Cette femme, maintenant, a essayé de sauver la petite danseuse Bianca. Mais elle détruit tout ce que j'ai fait pour la condamnation du voleur de ses diamants, de l'assassin de cette pauvre Yvonne. Cette femme, qui trouve étrange que j'entre chez elle par surprise, pénètre chez moi, elle aussi, par surprise. Elle vient prendre dans mon coffre, dans mon secrétaire, les souvenirs du soir du grenier de Zulma. Elle enlève le mouchoir trouvé dans la serrure, chez le marquis. Elle emporte la bague aux aides en rubis. Paula Broquet ajouta. Après cela, j'ai le droit, n'est-ce pas, de chercher à savoir qui est cette femme et pourquoi elle fait tout cela. Ensuite, fit avec calme Miss Eden, achevé, conclué. La conclusion, la voici. Je tenais le voleur des bijoux de Rosa de la Huerte et de Miss Ida Hidden. J'avais arrêté l'assassin de la petite Bretonne. Or, ce bandit a été délivré, mis en liberté, enlevé. Quand cela ? Le lendemain de son arrestation. Où ? Dans le couloir, devant la porte même du juge d'instruction, arraché aux gardes. Par qui ? Par une femme. Miss Eden sursauta. Une femme ? S'écria-t-elle vivement, se dressant à demi sur son divan. Par une femme ? Mais aussitôt, faisant un effort sur elle-même, elle se maîtrisa. À ce point qu'après cette minute d'émotion, elle parvint à sourire. Elle donna, du revers de la main, quelques petits coups au coussin pour les gonfler, et elle dit posément « Voilà qui vous prouve, monsieur, que je ne suis pour rien dans toute cette aventure. » « Alors, répliqua Paula Broquet sur le même ton, puisque vous n'en ferez aucun usage, rendez-moi la bague aux aides en rubis. Qui vous dit que c'est moi ?»« Comment ça, Miss Eden, moi qui ?»« C'est vous qui me le dites, et vous en portez sur vous la preuve indéniable, la voici. » Paulin Broquet indiqua du doigt la cicatrice, mal guérie encore, formée par les quatre sillons que ses ongles avaient tracés au cours de la lutte sur l'épaule de son merveilleux adversaire. Miss Eden, d'un mouvement machinal, ramena sur son épaule son corsage de dentelle. Alors, comme si cet aveu longtemps comprimé en son cœur attendait ce moment, cette obligation pour se manifester, elle dit promptement avec un soupir : « Eh bien oui, c'est moi. »